Nous devons réduire pour l'année prochaine, pour 2026, notre déficit annuel. Ehunindako laukako txeira murriztu behar dugu gure urteko defizita elduden urterako. Bide horri hori finkatu dugu, oreka berriz atxemaitiko 2029. A retrouver cet équilibre en 2029. Erra nahi du, gastu publikoa menberatu behar dugula, kontrolatu behar dugu kargen emendioa, kasik automatikoa. Nous devons contenir l'accroissement quasi mécanique des charges. Et cela signifie un effort. Kalkuluak ez dizkizuet zehaztuko, baina bederen 40 miliar euro baztertu behar genituen. Au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. Mais, comme je... Baina langer berezi batzuek mundua mehatxatzen dute aurten, beraz, defentsa ez dugu murrizten al gure egoera ez okertzeko gizan. Que l'effort de notre défense ne peut pas être éludé, et nous ne pouvons pas courir le risque de laisser se dégrader notre situation faute de prévoyance. Defentsari dagokion egoera okertu dela eta, 40 miliarren ordez, 48,8 miliar eurora goratu dugu zenbakia. Nous avons décidé de porter ce chiffre à 43,8 milliards, soit près de 44 milliards.